Chapitre 12. Le pont de Montvert. Ce qui frappa d'abord les regards de Stevenson en arrivant au pont de Montvert, ce fut le temple protestant bâti sur une plateforme dominant le bourg. Ce n'était que la nouveauté la plus en évidence de toutes celles qu'il allait observer, bien qu'il soit difficile de caractériser exactement ce qui fait différer le pont de Montvert du monastier, de Langogne ou du Blémard, la différence est indéniable. La place publique, les maisons, les allées et la rivière limpide qui le traverse dénotent déjà le midi. Le dimanche, dans les montagnes règne un calme absolu. Ici, les rues et les cafés et cabarets sont pleins d'animation et de bruit. À l'auberge, Stevenson déjeuna en nombreuse compagnie, et de nouveaux consommateurs arrivaient sans cesse. De ce côté de la Lozère, les paysages avaient un autre aspect, et les habitants paraissaient de races différentes. Ils étaient vifs, de figure expressive, le questionnaient et lui répondaient avec à propos. Sa manière de voyager, loin de les choquer, les intéressait par son originalité. Au point de vue plastique, le changement n'était pas moins agréable. Depuis le monastier où Stevenson avait vu une jolie femme, une seule, il n'avait rencontré que des figures sans attrait. Ici, sur trois dames qui avaient mangé à table avec lui, deux étaient d'une beauté au-dessus de l'ordinaire. Et Clarisse, que dire de Clarisse ? Elle servait à table d'un air doux, grave, indifférent, avec de grands yeux noyés de langueur. La bouche, le nez, les joues étaient d'une pureté de ligne peu ordinaire. Quel dommage qu'une si belle personne restât dans une auberge de campagne et n'eût pour admirateur que des paysans. Stevenson lui adressa ses compliments, qu'elle reçut sans baisser les yeux, comme une personne habituée aux hommages de tous. L'humoriste ajoute malicieusement que si Clarisse savait lire l'anglais, il se ferait scrupule de mentionner que sa taille ne répondait pas à sa figure et qu'elle était faite comme un échalas, mais qu'elle se formerait peut-être avec le temps. Le pont de Montvert est célèbre dans l'histoire des Camisards. C'est là que la guerre débuta. La révocation de l'édit de Nantes en 1685 fut un des actes les plus impolitiques et les plus malheureux de Louis XIV. Pour établir en France l'unité religieuse, il ne recula pas devant les mesures les plus violentes. Les hommes furent envoyés aux galères, les femmes enfermées dans des couvents ou emprisonnées, mais ni les sévices, ni les dragonnades, ni les incendies, ni même le gibet et la roue ne purent ramener les dissidents à l'Église catholique. Ce fut alors que dans tous ces esprits exaspérés se répandit cette espèce de trouble prophétique constaté chez les hommes, les femmes et les tout-petits-enfants. Le principal agent des persécutions était l'abbé du Chélat, inspecteur des missions et archiprêtre des Cévennes. Il habitait à Saint-Germain-de-Calberte, mais se rendait de temps à autre au pont de Montvert, où il possédait une maison avec une prison pour les catéchumènes récalcitrants. À ce moment, le séjour dans le pays était devenu intolérable pour les protestants et il était rigoureusement défendu de s'expatrier. Une famille de 6 personnes qui tentait de s'enfuir à Genève sous la conduite d'un guide connaissant bien les sentiers de ces contrées montagneuses tomba entre les mains des gens du Chélat, fut emprisonnée et mise au cep dans le cachot du pont de Montvert. Les parents des prisonniers implorèrent le secours des protestants à une assemblée tenue au bois d'Altefage sur le Bougès. Le prophète Séguier déclara que le temps de la soumission était passé, qu'il fallait délivrer les captifs et purger le pays de tous les prêtres de Baal. Les paysans, entraînés par les discours de leurs prédicants, se réunirent en armes au nombre de plus de 50. L'ouvre-l'œil dit 200. Et entrèrent au pont de Montvert à 10 heures du soir en chantant des psaumes. Ils entourèrent la maison de l'archiprêtre et enfoncèrent la porte, se servant d'une poutre en guise de bélier. Entrés au rez-de-chaussée, ils délivrèrent les prisonniers et voulurent aussi s'emparer de l'abbé Duchella et de ses gens réfugiés au premier étage. Ceux-ci tirèrent sur eux et en abattirent un. Alors, les assaillants furieux et craignant une sérieuse résistance, mirent le feu à la maison qui fut tout aussitôt en flammes. L'abbé chercha à s'échapper par une fenêtre, mais en tombant, il se cassa la cuisse. On le découvrit à la lueur de l'incendie, auprès de la haie du jardin où il avait cherché à se cacher en rampant. Il fut traîné sur la place du quai et frappé de 52 blessures, dont 5 à la tête, 11 au visage, 26 à la poitrine ou au ventre et 10 au côté ou au dos. 24 des plaies étaient mortelles. Je ne veux pas insister sur cette tragédie. J'en ai lu le récit dans 4 historiens, un prêtre, 2 pasteurs et un libre penseur. À mon avis, aucun n'a gardé dans son œuvre une impartialité complète, mais j'ai le regret de déclarer que le libre penseur s'est montré le plus passionné des 4. Le pont de Montvert possède un poète, brave ouvrier devenu aveugle par suite d'un éclat de mine, qui a composé un poème en 25 chants redisant l'histoire de cette triste guerre. La guerre des Camisards, mise en vers par Jean-Louis Guin, en vente chez l'auteur au pont de Montvert, Lozère, prix 3 francs. Il serait hasardeux de prédire à ce poème les 20 ou 30 siècles de durée de l'Iliade, œuvre d'un autre aveugle immortel. On y sent pourtant vibrer le sentiment persistant que ces luttes religieuses ont laissé dans l'âme du peuple. Le vers n'a pas l'envolée des œuvres de génie, mais on y trouve le reflet de passion que le temps n'a pas encore tout à fait éteinte. Guerre civile, guerre religieuse. Ne remuons pas ces cendres brûlantes de crainte d'en voir jaillir des étincelles. Séguier et ses montagnards chantèrent toute la nuit des cantiques de victoire et de mort autour de ce cadavre affreusement mutilé. À l'aube, ils se rendirent à Frugères, dont le curé fut aussi tué d'un coup de fusil. Celui de Saint-Maurice ne dut son salut qu'à la vitesse de son cheval. À Saint-André de Lanèze, curé et maître d'école furent également tués et mutilés. À la Devèze, une famille de 6 personnes fut impitoyablement immolée pour avoir refusé de livrer ses armes, et les meurtres étaient accompagnés de pillages. Mais les troupes royales étaient déjà sur les traces des révoltés. Le capitaine Poulle les surprit à fond morte. Séguier et 2 de ses compagnons furent repris, jugés et condamnés. Séguier fut brûlé vif au pont de Montvert. Les 2 autres furent l'un roué à la Devèze et l'autre pendu à Saint-André de Lanèze. La maison de l'abbé Duchella, dont on refit le toit, détruit par l'incendie, est encore debout à côté du pont du Rieumalais, ayant devant elle le jardin en terrasse, dans lequel il tomba en s'échappant par la fenêtre.